plume pour vous traduire en quelques vers ce que l'on dit de vous partout dans votre dos. Le pullulement des loups fait des troubles sociaux. Vous êtes devenu fou, ce n'est pas rigolo. C'est mon cœur qui vous l'avoue, ne croyez pas que c'est mon ego. Ego. Comme des vautours et je conteste votre choix. Nous ne jouons pas dans la même cour, jugez les autres, j'en ai pas le droit. Mais vous allez priver un peuple de liberté plutôt que de donner de l'amour dans un défi sans détour. Que dois-je dire aux enfants qu'attendent leur frère pendant des heures? Que tout ça c'est du vent, une escroquerie, un grand leurre, une erreur. L'horreur, la terreur. Dans une image, vous ne manquez pas d'air, un monde juste et bafoué. Vous souillez la soupe populaire avant de la distribuer. Ne croyez pas un instant que je sois mécontent. Vous me donnez l'occasion de libérer mon expression. C'est l'équilibre de ma raison, chercher le sens de la raison. Parlons-en du sens de la raison, parlons-en. Elle devient de l'art. De l'art, un enfant porte un fusil, l'indifférent j'en ai marre, l'arbre mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort.